Module 13, étude 2. Les fléaux destructeurs. Les fléaux font partie du processus d'épreuve et d'expiation de notre planète, atteignant indistinctement les grands et les petits, les riches et les pauvres. Jésus, connaisseur profond des nécessités de l'apprentissage humain, nous avertissait déjà dans le Sermon de la montagne, cité Saint Matthieu chapitre 24, versets de 6 à 8. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est point encore la fin. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre, et tout cela sera le commencement des douleurs. Les esprits guides nous expliquent que Dieu permet que l'humanité soit frappée par les fléaux pour la faire avancer plus vite. N'avons-nous pas dit que la destruction est nécessaire à la régénération morale des esprits, qui puise en chaque nouvelle existence un nouveau degré de perfection ? Il faut voir la fin pour en apprécier les résultats. Vous ne les jugez qu'à votre point de vue personnel et vous les appelez fléaux à cause du préjudice qu'ils vous occasionnent. Mais ces bouleversements sont souvent nécessaires pour faire arriver plus promptement un ordre de choses meilleur, et en quelques années, ce qui eût exigé bien des siècles. En vérité, l'homme pourrait éviter la souffrance des fléaux s'il était plus prudent dans ses choix. Dieu, dans son infinie bonté, nous offre d'innombrables instruments de progrès. Mais comme nous sommes encore des êtres imparfaits, nous choisissons de suivre les chemins les plus ardus et difficiles de la vie. Dieu a donné à chacun les moyens de progresser par la connaissance du bien et du mal. C'est l'homme qui n'en profite pas. Il faut bien le châtier dans son orgueil et lui faire sentir sa faiblesse. Ainsi, les fléaux sont des épreuves qui fournissent à l'homme l'occasion d'exercer son intelligence, de montrer sa patience et sa résignation à la volonté de Dieu, et le mettre à même de déployer ses sentiments d'abnégation, de désintéressement et d'amour du prochain s'il n'est pas dominé par l'égoïsme. Il y a deux types de fléaux destructeurs, ceux naturels et ceux provoqués par les hommes. Parmi les fléaux destructeurs, naturels, et indépendant de l'homme, il faut ranger aux premières lignes la peste et d'autres maladies semblables, la famine, les inondations, les intempéries fatales aux productions de la terre. Les fléaux destructeurs provoqués par les hommes révèlent la prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle et l'assouvissement des passions. Dans l'état de barbarie, les peuples ne connaissent que le droit du plus fort. C'est pourquoi la guerre est pour eux un état normal. Au sujet des fléaux naturels, tels que les inondations, les intempéries néfastes à la production agricole, les tremblements de terre, les cyclones, etc., qui causent tellement de victimes, les guides spirituels nous instruisent que ce sont des accidents passagers dans la destination de la terre, monde d'expiation, qui cesseront dans le futur lorsque l'humanité qui l'habite aura appris à vivre selon les commandements de Dieu, guidée par l'amour, dispensant ainsi les correctifs de la douleur. Ainsi, face aux besoins d'évolution, l'homme subit les fléaux qui font partie de la vie. Les fléaux naturels le surprennent sans qu'il puisse les éviter malgré son intelligence qui lui donne les moyens de les prévenir et même de remédier à quelques-unes de leurs conséquences. De temps en temps, il faut des éruptions en défiant sa capacité intellectuelle et en même temps, il stimule en lui des valeurs qu'il doit appliquer pour y remédier et les prévenir. Tant que cette situation ne change pas, ce sont des correctifs moraux, des mécanismes de réparation des maux perpétrés, des ressources de la vie pour le pousser au progrès sans rétention de l'arrière-garde. Ces innombrables fléaux destructeurs peuvent déjà être prévus et leurs effets pernicieux réduits en raison des conquêtes atteintes par l'humanité. D'autres, qui étaient des obstacles au progrès et à la santé, ont été minimisés et même vaincus, tels la fertilisation des régions désertiques, l'assainissement des zones contaminées, la correction d'accidents géographiques, la prévention des épidémies qui ont décimé des foules, détruit des pays et des continents entiers, et même, grâce au spiritisme, la thérapie préventive des obsessions qui dominait des groupes et des collectivités. L'homme a reçu en partage une intelligence à l'aide de laquelle il peut conjurer

À mesure que l'homme progresse, elle devient moins fréquente, parce qu'il en évite les causes, et quand elle est nécessaire, il sait y allier l'humanité. Malheureusement, l'être humain n'est pas encore préparé pour vivre en paix, de mode que la guerre représente, à côté des graves tragédies, un douloureux processus de conquête, de liberté et de progrès. En ce sens, la principale cause de la guerre réside dans le retard des individus et des sociétés humaines, d'où dérivent les passions désordonnées qui prennent un caractère violent et qui, par leur impétuosité, produisent les conflits qui ensanglantent les pages de l'histoire de l'humanité. Dans le futur, quand la Terre passera définitivement dans la catégorie de monde de régénération et que la planète sera libérée des expiations, les guerres seront bannies. Mais cela n'arrivera effectivement que lorsque les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu. Alors tous les peuples seront frères. Ainsi, la guerre monstrueuse aux mille visages, qui commence dans l'égoïsme de chacun, qui se matérialise dans la discorde au sein des foyers et se prolonge dans l'intolérance de la foi, dans la vanité de l'intelligence et dans l'orgueil des races, en se nourrissant de sang et de larmes, de violence et de désespoir, de haine et de rapine, si cruelle entre les nations super-civilisées du XXe siècle et du siècle actuel, alors qu'elle l'était déjà dans la cour obscure de Ramsès II, ne disparaîtra que lorsque l'évangile de Jésus illuminera le cœur humain et que les habitants de la terre s'aimeront comme des frères.